Oh, je n'ai rien à te donner pour ce cadeau inestimable. Une vie de bienveillance, je n'ai pas imaginé. Présent dans toutes mes affaires, tu es fidèle et charitable. Je ne saurais oublier aucun de tes bienfaits. Je n'ai rien à te donner, seulement ma voix pour toute la vie, pour chanter tes louanges, tes bienfaits et ton amour pour moi. Je n'ai rien à te mon cœur et toute ma vie, permets-moi de rester dans ta maison, Seigneur. Aujourd'hui, je veux désormais que ma vie soit à toi pour jamais. Et marchant uniquement dans tes voies tracées pour moi. Toujours mes yeux fixés sur toi, je marcherai de victoire en victoire. Aide-moi, cher Seigneur, à respecter tes lois. Yeah.